J'en ai marre de voir mon ghetto souffrir, j'aimerais plutôt qu'il puisse vivre. L'État le malmène et le perd dans un pays où règne la haine et la peine. Mon nigraï devrait pouvoir vivre dans un endroit que l'on appelle le paradis. C'est ce que nous ne méritons pas pour vous, mais nous, dans nos banlieues, on se bat pour tout. À vos yeux politiques, nous sommes des cas perdus, car dans nos cités, la violence perdure. Hein, mais ne croyez pas ce que disent les journaux, car la plupart des choses écrites y sont fausses. Vous, vous jugez sur l'apparence, mais derrière la violence, ne croyez pas qu'on est stupide, car certains d'entre nous avancent. Ils avancent dans leurs études, mais aussi dans leur passion. Foot, basket ou rap, ils font tout pour tenter leur chance à l'occasion. Aidez-nous à sortir de notre enfer, car sans cesse grandit notre peine. Aidez-nous à nous parer du ghetto, car dans lui, nos jours seront-ils beaux. Aidez-nous à sortir de notre enfer, car sans cesse grandit notre peine. Aidez-nous à nous barrer du ghetto, car la nuit, les jours seront plus beaux. Sinon, comment s'en sortir? 1-1 J'en ai marre de voir la street mourir sans arrêt, elle souffre, elle se meurt. Elle pleure le bonheur et crie contre le malheur. Elle voudrait enfin avoir le droit de vivre. Ma street veut être libre, elle veut pouvoir rire selon ses envies. Ma street a les trottoirs qui saignent, les lumières qui brûlent, les bitumes qui fument. Car elle a dans son cœur trop de peine. Sans arrêt, elle ressent une putain d'amertume. Mes rimes grandissent, s'énergisent, s'amenuisent. Car plus le temps passe, plus elles ont du style. La street life, c'est la vie des gangsters. C'est pour ça, le style est certifié zéro. Aidez-moi à sortir de notre enfer, car sans cesse grandit notre peine. Aidez-nous à nous barrer du ghetto, car l'un de nous, nos jours seront-ils beaux. Aidez-nous à sortir de notre enfer, car sans cesse grandit notre peine. Aidez-nous à nous barrer du ghetto, car l'un de nos jours seront-ils beaux. Comment s'en sortir? Rien ne remplace l'amour, même pas le geste.